بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui, le samedi 28 شوال 1441 de l'Hégire, correspondant au 20 juin 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et de ce qui s'y rapporte, comme ça a été rapporté dans le livre de l'imam Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Dimashqi. Sa kunya, c'est Abu al-Fida. Il est décédé, rahimahullah, en l'an 774. Et comme on a vu à plusieurs reprises, c'est un grand imam dans la salafia et dans la sunna. Un des élèves les plus brillants de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et de son contemporain, Al-Hafidh al-Mizzi, qui lui a marié sa fille. Hafidh al-Mizzi a marié sa fille à notre imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et parmi ses ouvrages les plus importants, pas les plus volumineux et les plus grands et le plus grand, mais parmi ses ouvrages les plus importants, son tafsir. Un tafsir salafi, dans lequel il a suivi la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans tous les points, dans tous les sens du terme, que ce soit dans l'explication du Coran, en commençant par expliquer le Coran avec le Coran, ensuite la Sunna du prophète alayhi salam authentique, et ensuite les paroles des compagnons radiyallahu anhum et les tabi'in, et ainsi de suite. Et également dans les versets des asma et des sifat, des noms et des attributs d'Allah Azzawajal, il les a expliqués conformément également à la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et c'est un très, très, très grand savant, un grand imam. Donc son tafsir, c'est un des meilleurs tafsirs qui ont été écrits dans toute l'histoire de l'islam. Et sa particularité, c'est qu'il n'est pas très grand. Contrairement à celui de l'imam de tous les mufassirines, le grand imam salafi Ibn Jarir al-Tabari. Son tafsir, certes, est le meilleur des tafsirs qui ont été faits. Un tafsir salafi. Ibn Jarir, c'est un grand imam dans la sunna. Et l'importance de ces tafsirs, c'est que la plupart de ceux qui ont expliqué le Coran, ils étaient touchés par des bid'as, que ce soit dans l'aqida ou autre, et ils ont introduit ces choses dans le tafsir. Ça ne minimise pas la valeur des autres, mais les tafsirs auxquels il faut donner de l'importance maximale, c'est les tafsirs qui sont conformes à la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a de tous les points de vue. Après, Al-Talib qui arrive à un niveau et qui maîtrise Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les savants lui recommandent d'autres tafsirs. Mais pour nous, on commence par le plus awsa' tafsir, le plus grand et le plus détaillé, c'est celui de l'imam Ibn Jarir. Ensuite, celui de l'imam Ibn Kathir. Et le troisième, c'est tafsir de l'imam Al-Baghawi, rahimahullah. Malgré qu'il est avant Ibn Kathir dans la date de naissance et de décès, mais son tafsir est plus petit en volume que celui de l'imam Ibn Kathir. Et c'est également un imam salafi, Al-Baghawi, rahimahullah. Un grand imam salafi. Et le quatrième, c'est celui de l'imam Sa'di, un imam contemporain, et ce tafsir en plus de son petit volume, il a été sorti en un seul volume. En plus de cette particularité pour les débutants, ce tafsir, il donne énormément d'importance au tawhid. Il laisse quasiment pas passer un seul verset sans parler de tawhid et le mettre en avant. Rahimahullah. Ça, c'est les quatre tafsirs les plus importants et qui ont cette particularité que leurs mufassirines, que les mufassirines dans ces livres, les exégèses, ils étaient conformes à Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. C'est une parenthèse qui est venue comme ça. J'espère que ça me sera bénéfique à moi ainsi qu'à mes frères. Donc, c'est venu parce qu'on a parlé de l'imam Ibn Kathir, qui est décédé en l'an 774. Il a vécu 73 ans, rahimahullah, dans laquelle il a écrit énormément de livres. C'est un savant qui avait, comme ils disent, une plume fluide. Il a écrit le Bidaya wa Nihaya, l'histoire depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Et dans tout ça, il a suivi l'imam Ibn Jarir, que ce soit dans le tafsir, et également dans le Bidaya wa Nihaya. Il a profité de ceux qui l'ont précédé, entre autres l'imam Ibn Jarir, qui a écrit également l'histoire depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et en plus de ses livres dans la science du hadith, qui est sa spécialité, qui est sa plus grande spécialité. Mais c'était des savants, ces savants-là, c'était des encyclopédies dans la science. Ils pouvaient parler de toutes les sciences. Tafsir, le hadith, la compréhension, le fiqh, et ainsi de suite. Rahimahullah, l'aqida, bien évidemment, avant tout. Donc, dans ce livre, Al-Fusul fi Sirat al-Rasul, on s'était rendu à ce chapitre dans lequel l'imam Ibn Kathir nous parlera de certaines personnes qui ont des liens avec le Nabi, qui avaient des liens avec le Nabi alayhi salam. Il a commencé par les membres de sa famille, par ses enfants, ensuite ses épouses. Et aujourd'hui, nous allons parler de ses mawali, ce qu'on appelle mawali. Al mawali, ça c'est parmi les termes que tu peux pas traduire en français. Impossible. Pourquoi? Parce que ce terme, il a beaucoup de sens. En arabe, quand il est utilisé, on arrive à savoir le sens voulu selon le contexte. Al-Mawla, qui est le singulier de Mawali, ou avant, Al-Mawla et Al-Mawali, c'est dérivé de... Ça donne le sens de la proximité. Al-Qurb, quelqu'un de proche. Mais ces liens de proximité sont nombreux. Les savants, parmi les liens qu'ils citent, qui sont décrits par Al-Mawla, c'est les causes de ce wala, de cette alliance et de cette proximité et de ce lien. Donc c'est une forme de lien qui a des règles dans la religion de l'islam. Donc le maoula, ça peut être l'affranchi. Un homme qui possède un esclave, il l'affranchit, il devient son maoula. L'esclave devient le maoula de cet homme. Et il y a des règles qui se lient à ça dans la religion de l'islam. Entre autres, l'héritage. Cet homme, il peut hériter de cet ancien esclave qu'il a affranchi. Il y a un lien entre eux qui lui permet religieusement d'hériter de lui. Et ça, il fera partie de ses héritiers. Dans le cas où il n'a pas un autre héritier qui l'empêchera d'hériter. Tel que le fils. Si par exemple cet ancien esclave a un fils, bien évidemment le fils, il empêche tout le monde d'hériter. Quand un fils, yani un enfant garçon, il empêche, yani, les membres de la famille, il les empêche tous d'hériter, excepté les descendants et les ascendants. Mais sinon, les autres qu'on appelle dans ilm al-fara'id, qu'on appelle hawashi, tous, ils les empêchent d'hériter. Le garçon. Il empêche les oncles, il empêche les tantes paternelles. Il y en a, bien évidemment, l'héritage. Il ne vient que de la part d'un homme. Il faut qu'il y ait entre toi et le défunt, duquel t'espères hériter, il faut qu'il y ait entre toi un lien ou l'intermédiaire entre toi et lui, il faut que ce soit absolument un homme. Tu ne peux jamais hériter d'une personne entre toi et elle, il y a une femme. Entre toi et elle, il y a une femme. Par exemple, pour vous citer un exemple concret, entre toi et elle, il y a une femme. Par exemple, quand une femme décède, quand une femme ou un homme décède, cet homme, il laisse derrière lui sa mère. Et sa mère, elle hérite de lui, bien évidemment. Sa part va varier selon les héritiers. S'il a un garçon ou s'il n'a pas de garçon. S'il a s'il a un enfant ou il n'a pas d'enfant, parce que ici, peu importe, garçon ou fille. S'il a un enfant, la mère, elle va prendre un sixième. Et s'il n'a pas d'enfant, la mère prendra un tiers. Quand il n'y a pas des frères du côté de la mère. Donc maintenant, on est arrivé à la mère. Cette mère de ce défunt, elle a un père. Est-ce que ce père, il hérite de cet homme? Donc il est le père de sa mère. Le père de sa mère. Al-jad. Min jihati al-um. Donc là, l'intermédiaire, c'est une femme. Et ça, c'est une règle générale dans l'héritage. Il faut qu'il y ait entre toi et l'héritier un homme ou un lien direct et que tu fasses partie des héritiers qui sont cités dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi sallam. Voilà. Donc, je disais que Al-Wala, il a plusieurs causes dans l'islam. La première cause de l'wala, c'est al-itq, l'affranchissement. Quand tu as franchi un esclave, il y a un lien qui se crée entre toi et lui, qui s'appelle wala, et lui il devient ton maoula. Donc ça, c'est parmi l'essence de l'maoula, celui que tu as affranchi. Également parmi l'essence de l'maoula, celui qui ne fait pas partie des Arabes. C'est un non-arabe qui était mécréant et qui est entré dans l'islam par ta cause. Ça devient ton maoula également. Ton maoula également. Mais la condition, c'est qu'il soit pas un arabe. Faut qu'il soit un ajami. Un ajami, un non-arabe. Il a pas une tribu, il est pas descendant d'une tribu arabe. C'est un ajami. Donc là aussi, c'est une forme de wala. Et c'est un maoula, celui, ils disent que c'est le cas de l'imam al-Bukhari, son grand-père, son ancien grand-père, Bardizba, il est entré dans l'islam par le biais d'un homme, Ju'fi, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al-Ju'fi, na'am. Donc, c'est un homme de l'Ju'fa qui a été la cause de son entrée dans l'islam. de son grand-père, Bardizba. Ça, c'est la deuxième catégorie de l'ouala. La troisième catégorie que les hommes de science citent, c'est Al-Halif. C'est-à-dire qu'une tribu va se lier à une autre tribu avec une forme d'alliance dans laquelle ils vont s'entraider et se soutenir. Et si jamais il y a quelqu'un qui combat cette tribu, c'est comme s'il a combattu l'autre tribu. Donc ça, c'est aussi une forme de wala, c'est comme un pacte. Un pacte qui est fait entre les deux tribus de manière à ce que les uns deviennent les mawali des autres. Et dans le pacte, ils peuvent se mettre d'accord sur plusieurs points, comme le fait de s'entraider dans les guerres. Si jamais cette tribu elle combat une autre tribu, l'autre elle va se joindre à elle forcément. Ça devient un devoir pour elle. Sinon, l'alliance est rompue. Et inversement. La quatrième catégorie que les hommes de science citent de l'ouala, c'est, donc j'ai cité la franchie, l'ancien esclave, j'ai cité celui qui est lié à une autre tribu par un pacte d'allégeance, et le troisième, c'est celui qui entre dans l'islam. Celui qui entre dans l'islam parmi les non-arabes. Et comme vous savez, dans une tribu, chez les Arabes avant, ils ne se mélangeaient pas beaucoup. C'est pour ça que quand tu trouves une tribu, son nom, ça va être par exemple les Banu Tamim, ou les Banu Taim, ou les Banu Hudayl, et ainsi de suite parmi les différentes tribus arabes. Pourquoi c'est les Banu Tamim? Parce que leur grand-père, c'est Tamim. Toute cette tribu descend de Tamim. Et le lien et l'alliance, le lien et la forme d'alliance qu'il y a entre eux, c'est une alliance liée à leur appartenance à un même ancêtre. Ils descendent tous du même homme. Et donc ça va donner une cohésion, une forme de solidarité et cohésion entre eux qui est assurée par cette affiliation de ce même homme. Et quand une personne étrangère vient s'installer dans la tribu ou dans cette cité ou dans cette contrée qui n'est pas de la même tribu, cette personne elle peut recourir à ce wala justement pour bénéficier des mêmes droits que eux. Et il devient comme un membre de cette tribu. Il va faire un wala avec un homme originaire de cette tribu, et il va devenir son maoula à lui avec cette alliance, et de cette manière il aura les mêmes droits mais également les mêmes devoirs que les gens de la tribu. Comme lui il n'a pas ni ce lien d'appartenance à la tribu en étant descendant du même homme, il va créer la même relation, une relation équivalente de cette manière qui est le wala. Donc ça, c'est pour comprendre les différentes catégories de l'ouala. Et on peut dire aussi, ça vous pouvez le trouver dans des hadiths, le maoula pour désigner le maître. Le maître. Un esclave, il appelle son maître maoulaï. Il y a des hadiths, pour ceux qui ont suivi avec nous Kitab Tawhid, un chapitre dans lequel l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a parlé de ses titres et de ses appellations. Et on a vu, quand on a parlé de ça, on a vu les conditions pour les utiliser. Donc le maître de la franchise s'appelle aussi le maoula. Et celui qui est affranchi s'appelle aussi le maoula. Mais le premier c'est le maoula min a'la. Et le deuxième c'est le maoula min asfal. Descendant, ascendant. Supérieur, inférieur. Le maître, c'est le maoula supérieur. Et l'autre, inférieur. Et le maoula, ça fait partie, comme vous savez, des noms d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, les données à des créatures, c'est avec des conditions, avec des conditions. Donc ici, dans ce chapitre, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous parlera, quand il y a ce voilà, entre un homme et une tribu, ou entre deux tribus, ou entre un ancien esclave et son maître, ce voilà, il donne lieu à plusieurs droits et devoirs. Par exemple, l'affiliation à la tribu, comme on a vu. Également, l'entraide et le soutien. Et également, l'héritage. Dans le cas de l'affranchi, comme on a vu, l'héritage. Et il peut, le maoula, il peut avoir les mêmes devoirs que ses mawali. Ni quelqu'un, par exemple, qui se lie avec une liaison de wala à quelqu'un de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. On sait que pour la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, il leur est interdit de manger zakat et sadaqa, de prendre la zakat et la sadaqa. Donc, si quelqu'un, il a un wala avec une personne de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, alors lui aussi, ça deviendra interdit de prendre Ça lui deviendra interdit de prendre la zakat et l'aumône de manière générale. Comme c'était le cas de Abu Rafi'. Je vais le citer quand on va parler de lui, radiallahu anhu. Donc, le mawali du prophète, alayhi salatu wassalam, ici, l'imam Ibn Kathir, les a classés dans un ordre alphabétique, qu'Allah les agrée tous. Comme il les a rapportés, Ibn Asakir, dans son livre, l'histoire de Dimashq. Le premier qu'il a cité, rahimahullah, c'est Ahmar. Sa kunya, c'est Abu Usayb. Le deuxième, c'est Aswad, Aflah, wa Anasa, wa Ayman, Ibn Ummi Ayman, wa Badham, wa Thawban, Ibn Bujdud, wa Hunayn, wa Dhakwan. Et ça a été rapporté que son prénom, c'est Ahman ou Kaysan. Les deux ont été rapportés. Et Marwan également. Et Mahran. Donc, il y a une divergence sur son nom. Ensuite, Rafi' wa Rabah wa Ruwayfi'. Rafi' et son père, Abu Rafi'. Rabah et Ruwayfi' wa Zayd ibn Wala wa Zayd ibn Haritha et Zayd, le grand-père de Hilal ibn Yassar ibn Zayd et Sabiq et Salim et Saïd et Safina et Salman al-Farisi, très connu, très grand compagnon radiallahu anhu, et Salim, sa kunya c'est Abu Kabsha. C'est parmi les compagnons qui ont participé à Badr. Et Salih, il s'appelle également Shakran. Et Dumaira ibn Abi Dumaira. Et Ubaidillah ibn Aslam. Et Ubaid. Et un autre Ubaid dont la kunya est Abu Safiya. Et Fudal al-Yamani. Et Qasir. Et Karkara. Ou Kirkira. Et ça se dit également Karkara, les deux. Kirkira avec le kasr et Karkara avec les deux fatha. Et Mabour al-Qibti, et Mid'am, et Maymoun, et Nafi', et Nubayh, Hormuz, Hisham, Waqid, Wardan, Yassar, wa Abu Uthayla, wa Abu Bakra, wa Abu al-Hamra, wa Abu Rafi'. Et son nom, c'est Aslam. Donc ça, c'est les noms des mawali du prophète, alayhi salatu wassalam. Et bien évidemment, c'est pas tous avec l'affranchissement. Mais la plupart, c'est avec affranchissement. Comme Abu Rafi' qu'on a vu. Abu Rafi' avait demandé une fois au prophète, alayhi salatu wassalam, de lui autoriser de prendre de la zakat, car il était nécessiteux. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, la zakat ne nous est pas autorisée, c'est-à-dire la famille du prophète alayhi salatu wassalam. le prophète alayhi sallam et toute sa famille. Et ensuite, il a dit, et le maoula des gens, ou là du groupe, fait partie d'eux. C'est-à-dire, lui incombe les mêmes devoirs que eux. Donc ça, c'est les noms de l'mawali de Nabi alayhi sallam, comme il les a rapportés Abu Zakari al-Nawawi rahimahullah dans son livre Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat, dans le début de son livre Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat, mais l'imam Ibn Kathir les a classés dans un ordre alphabétique pour yani, que ce soit plus facile. Donc ça c'est les hommes parmi les mawali. Parmi les femmes, on les appelle al-Ima. L'Ima, les femmes esclaves ou les servantes. La première qu'il a citée, rahimahullah, c'est Umayma. La deuxième, c'est Baraka, Ummu Ayman. On a vu Ayman. Dans les hommes, on a vu Ayman, le fils de Ummu Ayman. Et Ummu Ayman, c'est la femme qui s'est occupée du prophète alayhi sallam après la mort de sa mère. C'était une femme éthiopienne. Son prénom, c'est Baraka. Et on a parlé d'elle, je pense, à plusieurs reprises. On a parlé d'elle, radiallahu anha, car elle avait un rôle important dans la vie du prophète, alayhi sallam. C'est sa nourrice, c'est elle qui s'est occupée de lui, directement après la mort de sa mère, à l'Abwa. Elle a pris en charge, elle s'est occupée de lui. Et Ani, c'est une esclave qu'il a héritée de son père. C'est une esclave qu'il a héritée de son père. Et c'est lui qui l'a affranchie, alayhi salatu wassalam. Il l'a affranchie, il l'a mariée à son autre maoula, Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Et c'est d'elle qu'il est né Usama ibn Zayd ibn Haritha, le grand compagnon, jeune dans son âge, mais qui était extrêmement aimé à Nabi alayhi sallam. Et Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, c'était, yani, comme sa mère, c'est une Éthiopienne, il était noir. Mais son père, Zayd ibn Haritha, même s'il a été vendu comme esclave, en réalité, c'est un arabe. Et c'est un homme libre que des gens ont capturé, ils l'ont revendu comme si c'était un esclave. Et c'est Khadija radiallahu anha qui l'a acheté, et elle l'a offert à notre prophète alayhi sallam, et c'est lui, il l'a affranchi. Alayhi sallam. Donc c'est de ce mariage entre Zayd ibn Haritha et Ummu Ayman qu'est né Usama ibn Zayd, le bien-aimé, fils du bien-aimé. Son père, c'était le bien-aimé du prophète, alayhi sallam. C'est celui qui était appelé Zayd, fils de Haritha, avant l'interdiction de l'adoption. Et Usama, il a une histoire, il est rapporté dans sa biographie qu'il était, qu'il avait une laideur. Il était noir, il avait une laideur au niveau du visage. Radiallahu anhu. Et Fatima bint Qais, cette sahabia, cette grande sahabia, après le décès de son mari, qui fait partie des nobles femmes arabes, elle est d'une grande tribu, Fatima bint Qais radiallahu anha, elle est venue demander conseil au prophète alayhi sallam par rapport au mariage. Et elle lui a dit que deux hommes se sont présentés et ont demandé à l'épouser. Muawiya ibn Abi Sufyan, notable parmi les notables de Quraysh, ce grand compagnon, parmi ceux qui écrivaient la révélation pour le Nabi alayhi sallam, et Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahm. Le Nabi alayhi sallam lui a dit, qu'est-ce que tu me conseilles parmi les deux, Muawiya ou Abu Jahm? Le Nabi alayhi sallam lui a dit, Muawiya, par contre, Muawiya, c'est un homme pauvre qui n'a pas de bien.

c'est un grand compagnon, c'est parmi ceux qui sont proches de moi, il écrit la révélation, il a ça, il a ça, il a ça. C'est Khalul Mu'minin, l'oncle maternel des croyants, parce que sa sœur, c'est une épouse du prophète, non, il n'a pas dit tout ça. Il lui a dit la chose qui la concerne. C'est un homme qui n'a pas de bien. Et ça aussi, ça me fait penser à un autre côté que sur lequel la femme doit se renseigner. Après, ce que j'ai cité, elle se renseigne également sur le frère au niveau de Dunia. Est-ce que c'est quelqu'un qui gagne sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille? Ou c'est un paresseux qui passe ses journées à dormir? Il faut se renseigner sur ces choses-là. Il en a la capacité dans le mariage pour l'homme, c'est la capacité religieuse et la capacité matérielle d'avoir les moyens pour le mariage. Quand le Nabi Isa Salam, il a dit cela à Fatima bint Qais, ensuite il lui a dit épouse Usama ibn Zayd. Et Fatima bint Qais radiallahu anha, au début, comme si elle a détesté cette proposition. Bien évidemment, le Nabi Isa Salam ne lui impose pas d'épouser Usama, mais il lui a recommandé. Et le bien pour toi, c'est dans ce mariage avec Usama. Mais comme pour les raisons que j'ai citées précédemment, physique chez Usama radiallahu anhu, et comme elle, c'était une Qurashiya, et épousée à un parmi le Mawali, yani c'était aussi, ça posait un problème, en plus de yani le côté que j'ai cité au niveau de l'apparence physique. Au début, comme si elle a hésité, et dans certaines versions, elle a demandé au prophète, est-ce que c'est un ordre ou c'est une recommandation? Il lui a dit, c'est une recommandation. Ça veut dire, t'as le choix de refuser. Ton tuteur ne t'impose pas de te marier avec un homme. Ton tuteur ne peut pas t'imposer. Ton père, c'est toi qui choisis. Mais par contre, tu ne peux épouser un homme que avec l'accord de ton père. Et lui ne peut pas te forcer. Et finalement, Fatima radiallahu anha, elle a opté pour la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a épousé Usama ibn Zayd radiallahu anha. Et elle a décrit sa vie avec lui et qu'elle a eu énormément de baraka dans sa vie suite à ce mariage. Et qu'elle était comblée dans son mariage au point où ses voisines la jalousaient. Subhanallah. Et ça rejoint ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Que suivre ce que le Nabi A.S. te dit? Ça, imagine dans des choses autorisées, dans des choses de dunya. Que dire de le suivre dans la religion, dans ta salat, dans ta aqida? Tout en bien, c'est dans le suivi de Nabi A.S. Et c'est ça que Sahaba radiallahu anhu avait compris. C'est pour ça, eux, ils n'avaient pas cette question. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est uniquement surrogatoire? La seule chose qui se pose chez eux, la seule question qui se pose chez eux, c'était est-ce que je suis capable ou pas? S'il est capable, il fait. Il n'est pas capable, Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. Donc tout ça, on l'a cité parce que je voulais parler de Usama radiallahu anhu. Également parmi les servantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadra, et Radwa, et Raihana, et Salma. Salma, c'est Umm Rafi', l'épouse de Abu Rafi' et la mère de Rafi'. Tous les trois sont des mawali du prophète alayhi salatu wasalam par affranchissement. Et Shirin, la sœur de Maria al-Qibtiya. Shirin et Maria al-Qibtiyatayn. C'est deux sœurs qui ont été offertes au prophète alayhi salatu wasalam par al-Muqawqis. Le Muqawqis, c'est lui qui a offert ses deux sœurs au prophète alayhi salatu wasalam avec un mulet et avec d'autres biens. Le Muqawqis, c'est le roi de l'Alexandrie. Le roi d'Alexandrie qui s'appelle le Cyrus. On dit le Cyrus al-Muqawqis. C'est le patriarche d'Alexandrie, aussi, ça se dit. Et Nabi Isa salam a gardé pour lui Maria. Et c'est d'elle, de cette servante Maria radiallahu anha, qu'il a eu son fils Ibrahim, le seul qu'il a eu avec une autre femme que Khadija. Mais par contre, Maria, c'était pas une épouse, c'était une servante, radiyallahu anha. Également parmi ses épouses, Maymouna bint Sa'd et Umm Dumayra et Umm Ayyash. Bien évidemment, Nabi alayhi salam n'a pas possédé toutes ses servantes en même temps. Et il y en a, comme par exemple si on prend l'exemple de Shirin, dès qu'il l'a eu, il l'a donné à un compagnon, dont j'ai oublié le nom maintenant. En tout cas, il n'a pas eu toutes ses servantes en même temps. Et il ne les a pas gardées pour lui toutes. Et voilà. Hada huwa ce qui concerne al-mawali. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a parlé de ses khadam et khuddam. Khuddam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Être au service du prophète alayhi wa sallam, bien évidemment, ça fait partie. C'est un très très grand honneur pour celui qui serve Nabi alayhi wa sallam. Et la plupart des sahaba, ils se précipitaient au service de Nabi alayhi wa sallam. Mais ici, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il a cité uniquement quelques-uns qui étaient connus par un service particulier, qui faisaient une chose pour Nabi alayhi wa sallam et qui la faisaient souvent ou tout le temps, au point où ils étaient connus par cette chose. Mais sinon, comme vous pouvez imaginer, sahaba radiallahu anhum, l'amour qu'ils avaient pour le prophète alayhi wa sallam et être à son service, ce grand honneur, personne d'entre eux ne pouvait louper une occasion pour servir Nabi alayhi wa sallam. Mais ici, l'imam Ibn Kathir, il est savant quand il parle de ceux qui étaient à son service, c'est ceux qui étaient connus par un service particulier. Le premier avec lequel il a commencé, rahimahullah, il a commencé par Abdullah ibn Mas'ud, celui qui portait les sandales ou les souliers du prophète alayhi wa sallam, na'layn. Na'layn, ça descend en dessous de la cheville. C'est des chaussures qui descendent en dessous de la cheville. Ça s'appelle na'l. Quand ça monte au-dessus de la cheville, ça s'appelle khuf. Les chaussons. C'est pour ça le mash, il n'est pas légiféré sur na'l, mais il est légiféré sur le khuf. Il faut obligatoirement que ça couvre tout le pied, y compris les chevilles, l'intégralité des chevilles. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était bien évidemment parmi les compagnons qui étaient tout le temps collé au prophète alayhi wa sallam, souvent avec lui, au point où les gens y croyaient que Abdullah ibn Mas'ud et sa mère Umm Abd, et lui il était appelé Ibn Umm Abd, ils croyaient qu'il faisait partie de la famille du prophète alayhi wa sallam, tellement ils les voyaient entrer et sortir de la maison du prophète alayhi wa sallam souvent. Abdullah ibn Mas'ud, il a mémorisé 70 sourates de la bouche du prophète alayhi wa sallam, un des premiers compagnons dans l'islam est un des plus grands savants des compagnons, malgré que c'était un pygmée radiallahu anhu. Il était extrêmement, c'était un nain, tout petit de taille et très fin. Il était fin, il avait les jambes très fines radiallahu anhu, au point où le vent il faisait bouger ses jambes. Un jour, il est monté sur un arbre d'Arak pour prendre un bâton pour Nabi alayhi wa sallam pour frotter ses dents, un siwak, et quand il était sur le tronc d'arbre, il y avait un petit vent qui a soufflé, et ça a fait bouger ses jambes. Et sahaba ont rigolé. Il leur a dit, Nabi alayhi wa sallam, vous rigolez de la finesse de ses jambes, par Allah, elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. La montagne de Uhud qui fait 7 km par 3 km. C'est une série de montagnes en réalité. Radiallahu anhu. Quand Omar ibn Khattab il le voyait, il disait, un récipient qu'Allah a rempli de science. Il était appelé Faqihul Umma. Radiallahu anhu. Donc lui, ils s'occupaient, ils se chargeaient des souliers du prophète alayhi salam sallam. Quand le Nabi alayhi salam il veut sortir, il lui mettait devant lui pour les porter, et dès que le Nabi alayhi salam sallam rentre et il s'assoit quelque part, il les prenait, il les mettait sous son bras, radiyallahu anhu, jusqu'à ce que le Nabi alayhi salam sallam se lève, et il les mettait ensuite devant lui pour les porter, radiyallahu anhu. Également, il y avait le Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu. Le Mughira ibn Shu'ba, al-Thaqafi, radiyallahu anhu. Lui, il était connu pour la protection de Nabi alayhi salam sallam. Il avait tout le temps son épée sur lui. Quand Nabi alayhi salam sallam, il s'assoit quelque part, il vient au niveau de la tête de Nabi alayhi salam sallam, il reste debout pour le protéger, radiyallahu anhu. Également, Uqba ibn Amir, celui qui s'occupait du mulet du prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui qui conduisait son mulet dans les voyages et qui s'en occupait également, radiyallahu anhu. Parmi ceux qui étaient au service de Nabi alayhi salam, Anas ibn Malik, ceux qui le servaient de manière générale dans son quotidien, qui allait chercher des choses pour lui, qui allait donner des choses, transmettre des choses, et ainsi de suite. Il y avait à leur tête Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a servi le Nabi alayhi salam depuis qu'il est venu à la Médina jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme, 10 ans. Et sa mère, dès que le Nabi alayhi salam est venu à la Médina, la mère de Anas, radiyallahu anha, al-Rumaysa, dès que Nabi alayhi salam est venu à la Médina, elle a pris son fils qui avait 10 ans, Anas, et elle l'a emmené chez Nabi alayhi salam, et lui a dit, ô messager d'Allah, ça c'est mon fils Anas, je te l'ai ramené pour te servir. Et subhanallah, regardez l'intelligence de cette femme. Et elle n'a pas que cette histoire, elle a beaucoup d'histoires, cette femme qui démontre une grande intelligence dont Allah Azza wa Jal l'avait comblée, radiyallahu anha. Et c'est une sahabiya qui a participé dans beaucoup de batailles aux côtés du prophète alayhi salam sallam. Elle soignait les blessés, elle s'occupait des malades, radiyallahu anha. Et elle a énormément de mérite, la mère de Anas, radiyallahu anha. Et ainsi, Anas est resté au service du prophète alayhi salam sallam jusqu'à son décès, 10 ans. Également, Rabi'a ibn Ka'b et Bilal et Dhu Mikhbar. Et on dit qu'il s'appelle Dhu Mikhmar aussi. Il y a une divergence. Qui est un neveu de Najashi, le Négus, le roi de l'Éthiopie. C'est son neveu. Ensuite, il a parlé, rahimahullah, à l'imam ibn Kathir, de ceux qui écrivaient la révélation pour le prophète, alayhi salatu wassalam, les scribes de la révélation. Comme on a vu, le Nabi, alayhi salatu wassalam, il n'écrivait pas, il ne savait ni écrire, ni lire. Certains savants disent qu'il a appris à lire par la suite. Mais en tout cas, il ne savait ni lire, ni écrire, alayhi salatu wassalam. Et parmi ceux qui écrivaient pour lui, les savants ont cité 20 hommes qui écrivaient la révélation pour le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ses compagnons. Il les a cités Ibn Asakir, rahimahullah. Les quatre premiers, c'est les quatre califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. Ensuite, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Zayd ibn Thabit, bien évidemment, c'est celui qui a été choisi par Abu Bakr pour faire la compilation de le Coran et de le réunir en un seul volume. C'est lui qui a été chargé de cette mission. Il n'était pas le seul, mais c'est lui qui était la référence dans cette mission et le responsable dans cette mission, radiyallahu anhu. Et Zayd ibn Thabit, il a une particularité, c'est qu'il a c'est qu'ils connaissaient la dernière révision du prophète avec Jibril dans la dernière année où Jibril a fait répéter le Coran deux fois à notre prophète. Donc tout ce qui a été abrogé, tout ce qui a été levé du Coran, yani, il connaissait, si on peut le dire, la dernière mise à jour. Également parmi ceux qui écrivaient la révélation, je l'ai cité, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Muhammad ibn Maslama, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, wa Aban ibn Sa'id ibn Al-As. Aban ibn Sa'id ibn Al-As. Ça m'a fait penser, quand j'ai parlé de Zaynab, radiyallahu anha, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de son mari, j'ai confondu avec Abu al-As ibn Wa'il, le père, ou al-As ibn Wa'il, le père de Amr ibn al-As. Al-As ibn Wa'il. Wallahu alam, j'ai dû l'appeler comme ça, le mari de Zaynab. Mais en réalité, c'est Abu al-As ibn al-Rabi'. Donc si j'ai pas dit ça, si c'est pas comme ça que j'ai appelé le mari de Zaynab radiyallahu anha, la fille du prophète alayhi salam, il faudra ni prendre note de son nom juste, Abu al-As ibn al-Rabi'. Wallahu alam, j'ai pas réécouté, mais Wallahu alam, j'ai dû confondre avec Al-As ibn Wa'il, car il y a une ressemblance. En tout cas, parmi ceux qui écrivaient, la révélation également, Aban ibn Sa'id ibn Al-As, et son frère Khalid, également Thabit ibn Qais, radiyallahu anhu, Handal ibn Rabi' al-Usaydi, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, Abdullah ibn al-Arqam, وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة كالله les agré tous 20 hommes il a cité 20 compagnons a cité ابن الحافظ بن حجر عفوا الحافظ بن كثير رحمه الله et il a cité que certains savants ont cité dans la liste de ceux qui écrivaient la révélation. Et ça, c'est étrange. Ils ont cité quelqu'un qui s'appelle Sijil. Et ils se sont appuyés sur le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ » dans « وَرْش لِلْكِتَابِ » Donc, ils se sont basés sur ce verset. Mais il n'y a aucun dalil dans ce verset. Car Allah Azza wa Jalla nous dit ici dans le sens approximatif « Ce jour-là, nous plierons le ciel » comme on plie le parchemin sur ce qui est écrit. Il y a dit sur ce qui est écrit dedans. Donc, Ouma, ils ont cru, certains parmi les hommes de science, ils ont cru que As-Sijil, le parchemin, c'était un nom d'un compagnon qui écrivait la révélation pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est faux. Car il n'y a aucun compagnon qui s'appelle Sijil. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme l'a rapporté de lui Ibn al-Qayyim, a dit que ça c'est un hadith menti sur le prophète, alayhi salatu wassalam, car on ne connaît pas un compagnon qui écrivait pour Nabi, alayhi salatu wassalam, qui s'appelle As-Sijil. Même on ne connaît pas un compagnon qui s'appelle déjà As-Sijil. Et ceux qui écrivaient la révélation pour Nabi, alayhi salatu wassalam, ils étaient connus. Et en plus, ce verset, il a été révélé à Mecca. Et à Mecca, Nabi alayhi salam n'avait personne qui écrivait la révélation. Il n'écrivait pas encore. Il n'avait pas quelqu'un qui était connu pour l'écriture de la révélation. Et ceux qui écrivaient pour Nabi alayhi salam, ils étaient connus. Donc il n'y avait personne qui écrivait pour Nabi alayhi salam qui s'appelle Sijil. Également l'imam Ibn Jarir dans son tafsir, il a blâmé cela fortement. Il a réfuté que parmi ceux qui écrivaient la révélation, il y avait un qui s'appelait Sijil. Ça, c'est faux. Donc, ceux qui sont cités, c'est les 20 compagnons qu'on a vus, radiyallahu anhum tous. parmi ceux qui faisaient l'adhan pour le Nabi alayhi salatu wassalam, il y avait quatre compagnons qui faisaient l'adhan pour le Nabi alayhi salatu wassalam et qui étaient connus pour cela. Et ça ne s'oppose pas au fait qu'un compagnon un jour, il vient, il fait l'adhan. Mais ceux-là, ils étaient connus comme les mu'adhdhinin du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier d'entre eux, c'est Bilal ibn Rabah, le grand compagnon, radiyallahu anhu. Et le deuxième, c'est Ibn Ummi Maktoum. Ils ont divergé au sujet de son nom. Ils ont dit, il s'appelle Amr, ou il s'appelle Abdullah. Abdullah ibn Ummi Maktoum, ou Amr ibn Ummi Maktoum. Et c'était un compagnon non-voyant. Il était aveugle, radiyallahu anhu. Et subhanallah, le Nabi alayhi sallam, il choisissait Bilal pour le premier adhan qui était fait de nuit. Et Ibn Ummi Maktoum, il faisait le deuxième adhan qui était fait avec le lever de l'aube. Et ça, c'est parmi le fawaïd qu'on puisse tirer de cela, c'est qu'il n'y a pas de précaution à prendre par rapport à l'adhan. Quand on disait à Ibn Ummi Maktoum, l'aube s'est levée, il faisait l'adhan. Également parmi les mu'adhdhinin, Sa'd al-Qarab, qui faisait l'adhan à Quba. Et le quatrième et le dernier, c'est Abu Mahzoura, qui faisait l'adhan à Mecca, radiyallahu anhum. Donc ça, c'est les mu'adhdhinin du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Les deux premiers, Bilal, Ibn Ummi Maktoum, il faisait l'adhan à Médine. Ils s'alternaient. Des fois c'est Bilal, des fois c'est Ibn Ummi Maktoum. Et par contre, l'adhan de Salat al-Fajr, pendant le mois de Ramadan, où la sunna est de faire deux adhan, est-ce que ça c'est spécifique à Ramadan ou toute l'année? Il y a une divergence entre les savants. Il y a des savants qui voient que c'est toute l'année comme ça. Il y a des savants qui voient que ça, c'est uniquement pour Ramadan. Pour réveiller les gens, pour qu'ils prennent le suhoor et leur annoncer, et annoncer à celui qui prie de nuit que le fajr est proche. C'est pour ça qu'il était légiféré le premier adhan de le fajr, qui est fait en général avec le lever du faux lobe, ou de la fausse aube. Et le deuxième, il est fait avec l'aube véridique, le fajr sadiq. Et c'est le deuxième qui rend interdit de manger et autorisé de prier salat al-fajr, et non pas le premier. Donc ça, c'est le mu'adhdhinin. Le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, bi'idhnillah, c'est les envoyés du prophète, alayhi salatu wassalam, au roi de la terre. Nabi alayhi salatu wassalam envoyait des compagnons avec des messages aux différents rois et empereurs et gouverneurs des pays mécréants. Il a envoyé Amr ibn Umayya ad-Damri, radiyallahu anhu. Il l'a envoyé à Najashi, le Négus, le roi de l'Éthiopie. Et il est entré dans l'islam, mais il a caché son islam. Il a caché son islam parce que ses archers n'ont pas voulu suivre l'islam. Il a caché son islam. Et Nabi alayhi sallam a prié sur lui. Il a prié sur lui après sa mort, radiyallahu anhu, An-Najashi. Il a envoyé Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, radiyallahu anhu. Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, c'est un compagnon d'une très grande beauté. Et Jibril, alayhi sallam, quand il est venu au prophète, alayhi sallam, sous une apparence humaine, il venait souvent avec l'apparence de Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Nabi alayhi sallam l'a envoyé à Héraql, César, le roi des Romains, Romains ou Byzantins. Et César, quand il a reçu le message du prophète alayhi sallam, il y a un hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, de César, un hadith immense vers lequel je vous conseille de revenir et de le lire. Un hadith immense. dans lequel il y a énormément de fawaïd. Vous allez voir comment un homme, parmi les gens du livre, comment il va répondre et les questions qu'il va poser au sujet de l'islam. Après avoir reçu le message du prophète, il a demandé à ce qu'on lui ramène quelqu'un de sa famille. Ils ont trouvé Abu Sufyan, qui était là-bas, et il est venu, il lui a posé des questions, et subhanallah, vous allez voir que même les rois des gens du livre de l'époque, et leurs empereurs, ils avaient la science. Et il a reconnu que le Nabi Islam, c'est le prophète de vérité. Le prophète qui est annoncé dans leur livre. Il l'a su tout de suite. Il a appelé ses religieux à suivre l'islam, mais ils ont refusé. Et après, il a failli entrer dans l'islam, comme le Nabi Islam a dit. Et ensuite, il a délaissé cela pour préserver son royaume. Pour préserver son royaume. Et dans certaines versions, il est entré dans l'islam. Et après, il a apostasié. Pour préserver son royaume. Donc, il y a deux versions. Est-ce qu'il est entré dans l'islam ou il était proche seulement, mais il n'est pas entré quand il a vu que ses religieux n'ont pas voulu accepter l'islam? Il est resté avec eux. Wallah, Wallah, Moussa'ad. Mais en tout cas, il s'est bien comporté avec le messager et l'envoyé du prophète alayhi salatu wasalam, et il l'a respecté, mais il a préféré ad-dunya sur l'akhirah. Nabi alayhi salatu wasalam a envoyé également Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi. Il l'a envoyé à Kisra, Malik al-Furs. Kisra, l'empereur de Perse, le roi des Perses. Et il s'est rempli d'orgueil. Et il s'est mal comporté avec le messager du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il a déchiré le livre que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a envoyé. Et Allah a déchiré son royaume. Avec l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Nabi alayhi salam a fait dua contre lui. Il a dit, oh Allah, déchire son royaume comme il a déchiré le livre qui lui a été envoyé. Nabi alayhi salam a envoyé également Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu. Il l'a envoyé à al-Muqawqis. Malik al-Iskandariya, le Cérus, le roi d'Alexandrie, le roi, et c'était aussi le patriarche de l'Alexandrie. Et lui aussi, il était proche de l'islam, mais il n'est pas entré dans l'islam. Il a envoyé beaucoup de cadeaux au prophète, alayhi salam. Et parmi les cadeaux qu'il a envoyés, Maria al-Qibtiya, de laquelle Mohammed s.a.w. a eu son fils Ibrahim, avec sa sœur Shirin, avec un mulet, et avec d'autres biens. Nabi a envoyé également Amr ibn al-As aux deux rois de Oman. Et ils sont tous les deux entrés dans l'islam. Et ils ont chargé Amr ibn al-As, l'envoyé du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont chargé de récolter la zakat des gens, qu'Allah les agrée, tous les deux. Il a envoyé Salit ibn Amr al-Amiri à Hawda ibn Ali al-Hanafi bil-Yamama. Il a envoyé Shuja' ibn Wahb al-Asadi. Il l'a envoyé al-Harith ibn Abi Shammar al-Ghassani, Malik al-Balqa'i min al-Sham, le roi de l'Balqa'i, dans la région de Sham. Sham, comme je vous dis à chaque fois, j'ai pas envie de dire la Syrie, parce que c'est pas uniquement la Syrie. C'est les pays qui sont autour de la Syrie également. Il a envoyé le Muhajir ibn Abi Umayya al-Makhzoumi. il l'a envoyé à Al-Harith Al-Himyari au Yémen. Il a envoyé Al-Ala ibn Al-Hadrami Al-Mundhir ibn Sawa Al-Abdi, le roi de Bahreïn. Il est entré dans l'islam. Bahreïn et Oman, les deux, ils ont la particularité d'avoir accepté l'islam sans guerre, sans bataille, sans armée. Avec un homme, ils ont accepté la religion de l'islam. Pour ça, ils ont un mérite. Et parmi les derniers qu'il a envoyé, alayhi salatu wassalam, il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal. Il les a envoyés tous les deux ensemble au Yémen. Et tous les rois du Yémen sont entrés dans l'islam, ainsi que leur peuple. Pour ça, les gens du Yémen, ils ont un mérite dans l'islam. Ils ont un mérite dans l'islam. Voilà, mes frères, pour aujourd'hui, qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable, nous facilite les œuvres pieuses et acceptables, et nous donne la bonne compréhension dans notre religion, et nous fasse aimer l'ilm, et nous facilite sa mise en pratique, et augmente notre degré dans le tawhid, notre attachement à la sunna du prophète, alayhi sallam, nous préserve des troubles et des fitanes apparentes comme cachées, et nous préserve de l'égarement. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.